Merci de rester à l'écoute. Bienvenue à ce journal à langue française dont voici d'abord les principaux titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi garde son statut A jusqu'en 2025 avec possibilité de fournir des explications sur base des documents selon le rapport du sous-comité de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme basées à Genève en Suisse. À peu près 3 milliards de francs burundais ont été récupérés par le ministère de la fonction publique. C'est après avoir constaté l'existence des fonctionnaires fictifs sur les fiches de paix, comme affirmé par le ministère de la fonction publique lors de la réunion organisée à l'endroit des gestionnaires des ressources humaines ce mercredi. Les habitants de Gatumba, relocalisés au site Matiazo de la commune Mubimbi en province Bujumbura, suite aux inondations, demandent au gouvernement de leur construire des maisons pouvant les protéger du froid et les fournir des matelas. Les détails, c'est tout de suite à la présentation. Vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un délai de 30 jours a été donné par le ministère de la fonction publique à toute personne ayant perçu indûment les fonds publics pour les déclarer auprès de la nouvelle commission chargée de recouvrement au sein de ce ministère. Avertissement donné par le ministre Venuste Muyiwaga lors de la réunion organisée ce mercredi à l'endroit des gestionnaires des ressources humaines de différents ministères. C'est après avoir récupéré récemment à peu près 3 milliards de francs burundais qui ont été déposés dans les comptes bancaire des fonctionnaires fictifs. Suivez le ministre Venuste Muyiwaga. Il était très important de nous entretenir avec les gestionnaires des ressources humaines pour des orientations allant dans le sens de stopper l'hémorragie qui s'est observée en ce qui concerne le vol des biens publics, des trésors publics. Nous avons dit que jusqu'à maintenant, c'est suite à cette négligence, suite à cette non-observation des missionnaires assignés, où nous venons de détecter plus ou moins 3 milliards logés dans les différentes banques ici à Bujumbura, au Burundi, et qu'à côté de ces montants bloqués, il y a aussi des comptes que nous avons trouvés vides pour dire que les montants relatifs ont été volés. C'est à ce titre que nous lui avons montré une commission mise en place pour le recouvrement de tous ces montants et nous avons lancé un message à tous les concernés, quiconque sait qu'il a perçu indûment des montants de l'État du Burundi doit se déclarer en dehors un mois devant cette commission. Nous leur avons montré ou dit ce qu'ils ont déjà fait. Nous avons 4 personnes qui se sont déclarées déjà. Ils ont puis versé au compte du trésor public un montant un peu supérieur à 52 millions qu'ils avaient perçu indûment et que nous n'avions pas trouvé sur le compte. Alors nous invitons tous ces gens concernés de suivre cet exemple pour que demain les pénalités, les sanctions pénales soit adouci parce que l'infraction a été commise et nous leur donnons une chance d'atténuer la situation en venant déclarer eux-mêmes. Nous leur avons distribué et délivré des statuts généraux des fonctionnaires pour qu'ils aillent les distribuer à leur tour aux responsables dans les différents ministères pour que demain ils ne disent pas qu'ils ne connaissent pas le contenu du statut. Alors que le statut lègue exactement toutes ces inquiétudes que nous soulevons ici. Par rapport à ça, certains gestionnaires des ressources humaines donnent des explications que ce dysfonctionnement est lié à la mauvaise collaboration entre le ministère sectoriel et le ministère de la fonction publique. Par rapport à la décision de suspension de salaire, sur ce, le ministre Venuste Muyiwaga promet que toute réclamation ou demande sera traitée en seulement 5 jours après la demande de suspension de salaire pour éviter ces tricheries. Suivez encore une fois le ministre Venuste Muyiwaga. En ce qui concerne les réclamations qui peuvent durer longtemps pour le traitement, nous les avons dit et nous les avons montré qu'ici, à notre ministère désormais, aucune réclamation ne pourra dépasser 5 jours sans réponse. La barre est lancée alors à ce ministère parce qu'en ce qui nous concerne, nous le faisions déjà, mais ce n'était pas officiel. Maintenant, on va l'officialiser par une note que désormais, une demande, une réclamation qui nous arrive doit trouver une réponse en dehors au plus tard 5 jours. Nous pensons qu'en ce qui nous concerne, nous aurions résolu, nous aurions contribué à ce qu'il n'y ait plus d'échappatoire en ce qui concerne le gaspillage, le vol des deniers publics. Page droits de l'homme. Il a été récemment recommandé que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNDH, soit déclassée au statut B sur base de certaines allégations et notamment accusée de ne pas s'engager avec les organisations de la société civile. Cela est une recommandation du sous-comité en charge de l'accréditation au sein de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme basées à Genève en Suisse. Mais la CNDH garde son statut A jusqu'en 2025 avec possibilité de fournir des explications sur base des documents. En 2023, le sous-comité avait décidé de procéder à un examen spécial des statuts d'accréditation de la CNDH. Alain Désiré Boukeneza nous lit les explications de ce sous-comité. Lors de sa première session de 2023, le sous-comité a décidé d'entreprendre un examen spécial du statut de la CNDH sur base de certaines allégations. Il s'agit, je cite, de l'ingérence politique dans la dernière sélection des membres de la CNDH. C'est aussi sa réticence à surveiller et à enquêter sur des affaires politiquement sensibles impliquant des opposants politiques, des personnalités politiques importantes, des membres des forces de sécurité intérieure ou des membres du groupe de jeunes affiliés au parti politique dominant. La CNDH est accusée de n'avoir pas pris des mesures pour faciliter l'accès des autorités burundaises au rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme sur le territoire. À travers le rapport du sous-comité, la CNDH a refusé de s'engager avec les organisations de la société civile. Lors de sa première récente session de 2024, le sous-comité a donné à la CNDH l'occasion d'apporter une réponse sur certaines questions. C'est notamment comment la CNDH traite les violations des droits de l'homme, en particulier la détention des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme. Une autre question concerne la sélection la plus récente des nouveaux commissaires en 2023 et comment cela a affecté l'indépendance et la crédibilité perçue de la CNDH. La CNDH a indiqué qu'elle continue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme au Burundi. Le sous-comité estime que les informations fournies ne démontrent pas une indépendance et une efficacité suffisantes pour justifier le maintien de l'accréditation du statut A au titre des principes de Paris. En définitive, le sous-comité de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme a recommandé que la CNDH soit déclassée au statut B, une recommandation qui ne prend pas effet pendant une période d'une année. La CNDH conserve le statut A jusqu'à la première session du sous-comité de 2025 et la Commission du Burundi a la possibilité de fournir des preuves documentaires nécessaires pour établir sa conformité avec les principes de Paris. La CNIDH avait été rétrogradée de cette manière vers le statut B en janvier 2018, mais en juin 2021, elle avait recouvré son statut A. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page société à présent, les activités commerciales des Kenyans du clan Maasai et celles des commerçants ambulants au marché de Buyenzi à mairie de Bujumbura sont suspendues à partir de ce mercredi. Ainsi en a décidé le commissaire de ce marché qui n'a pas ouvert ses portes à l'heure habituelle ce mercredi matin suite à des soupçons d'insécurité selon les sources recueillies sur place. Avant l'ouverture de ce marché à 10h, une réunion s'est tenue au stade de la paroisse Saint-Augustin à Buyenzi. Les journalistes ont été sommet de quitter les lieux. Évariste Ndikobanyang. Le marché de Buyenzi, qui ouvre d'habitude ses portes à 7h30 du matin, est resté fermé ce mercredi jusqu'à 10h passées. Les commerçants ont été surpris et personne ne pouvait dire ce qui s'est passé. Mais des sources recueillies sur place par la radio-télévision Isanganiro et que la police a mis la main dans la nuit de ce mardi sur une personne qui allait poser des explosifs dans la partie C de ce marché. Après des fouilles et perquisitions opérées par la police dans son marché jusqu'à 10h ce mercredi, les commerçants du marché ont été sommés de se rassembler au terrain de la paroisse Saint-Augustin de Buyenzi pour information. Avant de prononcer son message aux commerçants, le commissaire de son marché, Eric Vaseka, accompagné par des agents de sécurité, a recommandé aux journalistes de quitter le lieu, sauf ceux de la RTNB. Mais dans l'esprit de la confraternité, ces derniers n'ont pas voulu travailler seuls. Ils se sont joints aux journalistes des médias et presse privée qui étaient à l'extérieur du stade. Cela étant, les journalistes qui étaient mis à l'écart ont su les conclusions issues de cette réunion. Ce que désormais, depuis ce mercredi, la porte d'entrée du marché de Mouyenzi est celle située à l'ouest, tandis que celle de la sortie est celle située à l'est de ce marché. Pour des raisons de sécurité, les activités commerciales qui étaient opérées par les Kenyans du clan Maasai et celles des commerçants ambulants sont suspendues. A rappeler qu'un incendie s'est déclaré dans ce marché de Mouyenzi dans la nuit du 2 mai de cette année, mais la police s'est précipitée pour éteindre ce feu qui, jusqu'ici, le résultat des enquêtes n'ont pas encore été rendus publics. Merci Evariste Ndiko Nyanga pour ces détails. Le conseiller déchargé, le conseiller du maire chargé de la sécurité, le colonel de police Jimmy Ndayishimiye a indiqué que le marché n'était pas fermé. D'après lui, il s'agissait des activités de la police en cours concernant les journalistes qui se sont vus empêchés de tendre leur micro à la population par la police. Il reconnaît que ce serait une erreur due à l'incompréhension. Il appelle toute la population, les agents de l'ordre y compris, à faciliter le travail des journalistes. Ce n'est pas la suspension comme telle, mais c'est par rapport aux activités de la police, lesquelles activités ont été menées depuis hier et ce matin. La police a continué ses activités pour vérifier les informations reçues de la part d'une personne interceptée autour du marché, laquelle personne a donné des informations qui peuvent perturber la sécurité. Cette personne est dans les mains de la force de l'ordre. Nécessairement, il y a une réunion de sécurité à l'endroit du comité mixte de sécurité humaine, du marché de Rouvumera et de la population, ainsi que les commerçants qui fréquentent, qui effectuent les activités de commerce au marché de Rouvumera. Au cours de cette réunion, ils ont été interpellés ou aussi des orientations en rapport avec la sécurité. Puisque dans un marché où il y a une agglomération de personnes, on doit nécessairement prendre des mesures de sécurité. Concrètement, on peut savoir quelles sont ces mesures? Je pense que vous allez le constater au cours de la mise en application. Et après vos activités de sécurité qui ont été menées au marché, qu'est-ce que vous avez trouvé? Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé, mais les activités de la police continuent. Certains journalistes auraient été empêchés de tendre leur micro à la population. Est-ce que vous en êtes au courant? Moi, je pense qu'il y a eu malentendu, puisque le droit d'information pour les journalistes, c'est la loi qui accorde ce droit. Je pense que même s'il y a une personne qui n'a pas donné les informations au moment où le journaliste ont voulu tendre le micro à la population, je pense que c'est une erreur. Le message est de laisser les journalistes récolter les informations pour les retransmettre à la population pour savoir ce qui se passe dans le pays. En donnant à présent à Bururi des fertilisants du café qui étaient en cours de distribution dans la province de Bururi par l'Office de développement du café Odeka doivent être retournés car leur durée de péremption ne dépasse pas le mois de juillet de cette année. Cette décision a été prise ce mercredi au cours d'une réunion de sécurité organisée par le gouverneur de cette province, selon le représentant de cet office dans la région du sud, dans la région sud du Burundi. Ce retard a été causé par le manque de devises et à la passation des marchés Elias Bukuru tranquillise qui est ce qui avait déjà payé que toute la somme utilisée sera remboursée. Zeno Nzambimana. Les représentants des coopératives des caféiculteurs dans la province de Bururi dénoncent la distribution des fertilisants NPK dont la date d'opération ne dépasse pas le mois de juillet de cette année. Une distribution également très tardive car elle est en cours au mois de mai alors que ces fertilisants devraient être appliqués au mois de février de cette année. C'est selon ces caféiculteurs qui grognent que la récolte n'est pas du tout bonne cette année suite au manque de ces fertilisants. Cela a été évoqué ce mercredi. C'était au cours d'une réunion de sécurité organisée à Bururi par le gouverneur de la province de Bururi, colonel Dasiba Desamaso, une réunion qui a décidé que la distribution de 12 tonnes de ces fertilisants doit être suspendue. Le représentant de l'Office de développement du café dans la région sud du Burundi fait savoir qu'il est déjà au courant de cette situation. Elias Bukuru indique que ce retard dans la disponibilité de ces fertilisants est dû au manque de devises et au retard dans la passation des marchés. Toutefois, il tranquillise les caféiteurs qui avaient déjà payé ces fertilisants que toute la somme utilisée sera remboursée. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Rendons-nous à présent à Bubanza. Les jeunes filles doivent être informées, sensibilisées sur l'hygiène menstruelle pour ne pas abandonner ou s'absenter à l'école. À propos du coordinateur des activités au sein de l'Organisation Fonds International de Développement Agricole FIDA, qui appuie les élèves scolarisés dans ce domaine. Philbert Nyokwizera l'a dit ce mardi à Gihanga, en province Bubanza. C'était lors de la célébration de la journée internationale dédiée à l'hygiène menstruelle dans cette commune. Certains élèves qui ne parviennent pas à recevoir des informations suffisantes sur l'hygiène menstruelle peuvent quelquefois abandonner ou s'absenter à l'école, selon Philbert Nyokwizera, coordonnateur des activités de l'ONG FIDA International, qui appuie le ministère de l'Éducation nationale dans l'encadrement des enfants dans ce domaine. Nous avons constaté qu'il y a des jeunes filles qui s'absentent à l'école parce qu'ils ont eu peur que les autres, par exemple, constatent que ces jeunes filles sont dans les périodes. Donc, nous sommes en train d'organiser des séances de sensibilisation pour que nous puissions expliquer à ces jeunes que la période menstruelle fait la vie des filles. Plus de 1000 enfants encadrés par le centre jeune Gihanga suivent régulièrement des informations et sensibilisations sur l'hygiène menstruelle, selon toujours Philbert Nyokwizera. Nous avons choisi ici parce que avec le centre jeune Gihanga et aussi avec l'association Hagedes, nous avons créé des clubs qui sont en train d'opérer dans le secteur de l'hygiène menstruelle. Donc nous avons plus de 1000 jeunes qui sont en train de participer dans ces clubs. C'était ce mardi à Gihanga où on célébrait la journée internationale dédiée à l'hygiène menstruelle, célébrée normalement le 20 mai de chaque année. Spécialitas Kawanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Les habitants de Gatumba, localisés au site Matiazo de la commune Mubimbi en province Bujumbura, suite aux inondations, demandent au gouvernement de leur construire des maisons pouvant les protéger du froid et aux âmes charitables de leur fournir des matelas. Les responsables de ce site reconnaissent avoir déjà reçu de la part des humanitaires des aides, comme le vivre, couverture et autres. Le responsable principal, Abdoul Karim, indique néanmoins qu'à côté du manque des matelas, leurs abris sont exigus pour des familles nombreuses au Méandouaï. Des maisons en bâche, aussi bien au niveau du toit que des murs, laissant pénétrer des gouttes d'eau. Lorsqu'il y fait trop froid la matinée, séparées à l'intérieur par des morceaux de bâche pour dissocier les familles, sont des maisons qui abritent ces déplacés. Chaque famille a eu une maison d'environ 2 mètres sur 5 sans tenir compte de sa taille. Cela étant, une famille de 2 personnes occupe une maison de même dimension que celle d'une famille de 10 personnes. Le site Matiazo a déjà accueilli à peu près 600 familles, comptant environ 1600 personnes, constituées de 350 logements seulement. Ce site est encore en construction. Les déplacés non encore logés doivent s'arranger pour trouver le logement chez ceux déjà logés. Les parents et leurs enfants dorment ensemble dans cette maison sans chambre, que ces déplacés qualifient de hangar. Cette maisonnette est comme un hangar. C'est difficile pour un père d'au moins 8 enfants d'occuper un tel endroit. Ces victimes des inondations de Gatumba font face à un froid intense qui les empêche de bien dormir. J'ai 69 ans. Certains parmi nous n'ont pas encore eu d'abri alors qu'il fait trop froid ici. Nous demandons une aide de matelas. Nous faisons face au manque de matelas. Les nattes qui nous ont fournies ne résistaient pas au froid. La rosée ne cesse de nous piquer le le matin, nous demandons au gouvernement de nous donner des matelas. Diverses assistances constituées de vivres et articles non alimentaires ont été déjà distribuées à ces déplacés. Abdul Karim, responsable de ce site, affirme que ces nattes ne servent pas à grand chose et demande aux bienfaiteurs de leur fournir des matelas. À la question liée à l'abri inadéquat, son responsable rejoint les propos des déplacés. La maisonnette qu'ils occupent n'est pas divisée en chambres de manière qu'on peut suivre de près ce qui se passe de l'autre côté. Elle est inadéquate aux familles des pères et des mamans. Au niveau de la plateforme nationale de prévention de risques et de gestion des catastrophes, l'on tranquillise. Son président, le général de brigade de police Anissé Nibaruta, indique que les organisations qui appuient dans ce domaine, entre autres l'Organisation internationale pour les migrations, se préparent pour les assister à nos vivres. Parle, rassure-moi. Les discours accusateurs émanent des problèmes que vit un groupe, une société, et l'accusateur cherche à prouver son innocence. Des explications d'Hélène Maonimana, expert en communication des habitants de la zone Muzinda, en commune Lugadi de la province Bubanza, affirme avoir déjà entendu de tels discours et témoigne que ces derniers peuvent être l'origine des violences de masse. Mireille Kanyang. Se basant sur des problèmes qui hantent la population, notamment le manque de boissons, des produits pétroliers et autres, Hélène Maonimana, expert en communication, explique d'abord les discours accusateurs. Un message accusateur est un message émanant des problèmes qui tourmentent une communauté, une société, voire même un pays. Un message accusateur global, c'est un message où on prend dans l'ensemble une communauté, un groupe, comme si tout le monde serait impliqué dans cette affaire. À la lumière de la définition du concept, les habitants de la zone Muzinda, en commune Lugazi de la province Bubanza, disent avoir entendu de tels messages en période d'élection. C'est également avec les accusations de sorcellerie. Ces habitants affirment que les discours accusateurs peuvent être la source des conflits sociaux. Ils abondent dans le même sens que l'expert en communication. Les messages accusateurs peuvent donner lieu à une violence de masse du fait que les victimes de la situation qui règne peuvent passer à la vengeance. Ils peuvent faire du mal aux accusés. Les accusés peuvent faire du mal aux accusateurs jusqu'au point où le problème se change en cercle vicieux. Pour barrer la route de tels discours et leur propagation, Dr. Hélène Maonimana recommande aux leaders le dialogue entre accusés et accusateurs. Je recommanderai premièrement aux accusateurs de se prémunir de tels messages et de donner plus d'importance au dialogue. Il se peut que les coupables de la situation restent inconnus. Et suggère en outre que des enquêtes soient menées pour connaître les vrais auteurs de tels discours et ainsi éviter la globalisation. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi à la présentation. Vous étiez avec Ornella Mucho.